oh. Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par sentiment. Mon cœur se transforme en billet. Wow, wow, wow, wow, wow. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Wow, wow, wow, wow, wow. Voilà, voilà, voilà. Que j'aimerais leur tendre la main, mais ces sauvages me la couperaient. Mettrais ça sur le dos de la faim. Wow, wow, wow, wow. Une vision de paranoïa. Le corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque. Où je finis comme Manu le coq. Wow, wow, wow, wow. Yeah, je crois que personne ne vit sans regret. Nous on est tout le contraire de bien. Cerveau à chaud, le cœur baisse les degrés. Wow, wow, wow, wow, wow. À la vie, à la muerta. Le temps passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée. La lune sortira une bière. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Je t'aime. Wow, wow, wow, wow, wow. À la folie. Wow, wow, wow, wow, wow. Passionnément. Wa wa wa wa wa à l'ammoniac. Wa wa wa wa wa, je t'aime. Wa wa wa wa wa à la folie. Wa wa wa wa wa, passionnément. Wa wa wa wa wa à l'ammoniac. Ma vie, pourquoi petite fleur fanée? Elle était belle loin de la jungle. Mais bon, la jungle l'a rattrapé. Ma vie, pourquoi tu perds les âmes comme ça? Ce monde a mal et je ressens ça. Ils sont dans le noir, mais je les vois. Je les vois, ma vie. Mais je n'ai Dieu que pour ma famille. J'ai fait millions, je me suis assagé. On doit rendre ce qu'on a pris. Ma vie, chez moi on t'aime puis on t'oublie. Chez moi on scène puis on grandit. Chez nous respecte, toi on tire. Ma vie, devenir quelqu'un pour exister. Car personne nous a invités. On est venu tout niquer ma vie. L'histoire sera courte à mon avis, comme la dernière phrase de ma vie. Je dirai en l'air, je dirai tant pis. Ma vie, ma vie. Je me défonce, je fais la diff. Les anges sont tristes, les démons kiffent. Pourquoi t'as dit je t'aime au pif? Animal heureux sous les griffes. J'ai patienté pour me sentir vivre. Donne-moi du temps, j'en ferai du pif. En attendant, demain m'enivre.